être dans la tour de Bethléem, dans la forêt autour de Bethléem, sur le voilier, où que le vent mène vers Bethléem, le Bethléem. C'est l'histoire d'un secret perdu, d'un mystère qui a disparu. Il manque et nos cœurs sont lourds. Où est-il dans la nuit des jours? L'ancien amour peut-être dans la tour de Bethléem, dans la forêt autour. Est-il parti pour toujours? Où est-il l'ancien amour? Peut-être dans la tour de Bethléem, dans la forêt autour. Yeah.